Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la cinquième partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui des formes et conventions du genre et de quelques figures et archétypes. Ceci sera donc la sixième partie. Commençons donc tout de suite avec les formes et conventions du genre fantastique. Tout d'abord, le cinéma fantastique, comme tout cinéma de genre, obéit à certaines conventions stylistiques et formelles qui le caractérisent. Ce sont des ambiances lugubres marquées par l'obscurité ou un climat inquiétant dans lequel les situations provoquent la peur et les cris. Ces conventions peuvent, à force de répétition, constituer des clichés et être reprises de manière parodique dans les comédies fantastiques. Pour Gérard Lenne, la convention devient un cliché, comme elle se vide de sa signification symbolique. Après cette brève introduction, intéressons-nous à la première convention du genre, la nuit et l'obscurité. La nuit et l'obscurité sont des éléments formels et inévitables du fantastique. En effet, l'obscurité constitue le contexte parfait pour le déroulement de phénomènes étranges et inquiétants. Dans les films fantastiques, son traitement, hérité de l'expressionnisme, est caractérisé par des ambiances dramatiques contrastées. Les classiques du fantastique des années 30, Frankenstein, Dracula ou encore le loup-garou, font évoluer leurs personnages principalement la nuit. Et dans les films dont le récit se déroule de jour, me demanderez-vous? Je vous répondrai que même quand le récit se déroule de jour sous un ciel ensoleillé, dans certains films, les ambiances et les événements principaux se déroulent, eux, dans des lieux où règne l'obscurité, comme les cryptes, les tunnels ou encore les mines abandonnées. Pour le réalisateur américain Vincente Minnelli, comme il l'exprime dans le film de 1952 intitulé Les Insorcelés, l'obscurité possède sa vie propre. Dans l'obscurité, toutes sortes de choses prennent vie. Fin de citation. Un autre thème et convention du genre est les climats. Comme pour l'obscurité, le récit fantastique aime évoluer dans des climats favorisant des ambiances d'étrangeté et de peur afin de mettre le spectateur en bonne condition. Ce sont par exemple des atmosphères pluvieuses ou brumeuses qui voient l'arrivée du héros dans une maison isolée. Dans la science-fiction, les climats extrêmes servent de trame à des récits futuristes ou apocalyptiques, comme un désert pour Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977, ou encore Dune, sorti en 1984. Ou un froid intense, comme dans Star Wars épisode 5, L'Empire Contre-Attaque, sorti en 1980, ou encore Le Jour d'Après, sorti en 2004. Un autre thème et convention du genre est le cri et hurlement. Le cri comme manifestation sonore de la peur est largement utilisé dans des films d'horreur. Les années 30 produisent leur lot de Scream Girl, qui est le surnom donné aux actrices interprétant des héroïnes qui hurlent face à un danger. L'une de ces actrices les plus connues est Faye Wray, née le 15 septembre 1907 à Carlton dans l'Alberta au Canada et décédée le 8 août 2004 à New York. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement déjà vu dans le film King Kong, version de 1933. Le cri est également le son qui caractérise le monstre, comme la créature de Frankenstein qui grogne, ne pouvant s'exprimer par la parole, ou celui de la horde de fourmis géantes dans Des monstres attaquent la ville, sorti en 1954. Tous ces films fantastiques ne seraient pas des films fantastiques sans leurs figures et archétypes. Une des figures les plus célèbres de ce style de cinéma est le vampire. En effet, le vampire est une figure du fantastique appartenant au folklore et aux superstitions, faisant partie de la famille des fantômes, revenants et non morts. Le vampire prend une dimension mythologique dans la littérature avec Dracula de Bram Stoker qui en codifie les caractéristiques qui sont ensuite reprises par le cinéma. Le vampire concentre autour de lui plusieurs thèmes comme l'immortalité, la jeunesse éternelle, la lutte du bien et du mal, le dédoublement, la métamorphose ou encore l'invasion. Il revêt aussi des significations érotiques et sexuelles à travers la morsure et l'échange du sang. Apparu dans le fantastique au premier temps du cinéma avec Méliès qui, en 1896, dans Le Manoir du Diable, montre une chauve-souris se transformant en démon. Ce sont principalement les adaptations du roman Dracula qui vont populariser la figure du vampire. A commencer par l'adaptation non autorisée de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire de 1922, qui change certains éléments comme l'apparence et le nom du vampire qui devient le comte Orlok et les lieux du récit se situant en Allemagne. Murnau invente une caractéristique qui sera ensuite reprise dans les autres adaptations de Stoker et des films de vampires, celle de faire mourir son personnage aux premières lueurs de l'aube. Alors que Murnau faisait de son vampire un être repoussant et monstrueux à l'allure de cadavre. Todd Browning, dans la première adaptation officielle et autorisée du roman de Stoker, lui donne une apparence aristocratique et en fait un séducteur sous les traits du comédien d'origine roumaine Bela Lugosi. Ce modèle devient un archétype qui trouvera son extension avec la série de films de la Hammer, à commencer par Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher, sorti en 1958. Gérard Lenne constate qu'indépendamment du personnage de Dracula, la filmographie des vampires est la plus abondante du fantastique. Une autre des figures les plus célèbres de ce style de cinéma est le loup-garou. Tout comme les vampires, le loup-garou est une figure fantastique d'origine folklorique et aussi mythologique, dont l'origine remonte à l'Antiquité grecque, notamment par l'exemple de Leto, la mère d'Apollon, qui prend la forme d'une louve. Cependant, à la différence de Dracula, il ne repose pas sur un roman de référence. La figure s'appuie sur deux thèmes principaux, le dédoublement entre l'homme et l'animal, et sur la métamorphose, et symbolise la marginalité, le refus des règles de la société et la conscience d'une animalité. La première manifestation cinématographique date de 1913 avec Le Loup-garou de Henry Macrae, qui s'inspire d'une légende Navajo, qui est un peuple amérindien d'Amérique du Nord. Cependant, ce film a disparu ou a été détruit. Si plusieurs films vont aborder la figure du loup-garou, du muet jusqu'aux années 30, nous pouvons citer les films Wolf Blood de George Chesebro et Bruce M. Mitchell, sorti en 1925, Le Monstre de Londres de Stuart Walker, sorti en 1935. Cependant, c'est en 1941 que le scénariste Kurt Slodmak établit la mythologie du personnage avec Le Loup-garou de George Wagner, sorti en 1941 avec Lon Chaney Jr., fils de l'homme aux mille visages, Lon Chaney, dont le récit servira de base au film de loup-garou suivant. Tous les codes de la figure du lycanthrope, non scientifique du loup-garou, sont exposés dans cette histoire qui met en scène le personnage de Larry Talbot, qui, revenant dans les lieux de son enfance pour voir son père, se fait mordre par une créature près d'un camp de tziganes et se transforme, contre sa volonté, en un loup-garou assoiffé de sang qui, après avoir perpétré ses crimes, redevient humain et oublie tout souvenir de ses activités monstrueuses. À sa mort, il reprend forme humaine, mais à la différence des films de loup-garou suivants, sa mort est causée par une canne d'argent et non par une balle en argent. Le mythe n'est abordé que par la Hammer, qu'avec le film La Nuit du Loup-garou de Terence Fisher, qui, à la différence des films de vampires et de Frankenstein, produits par le studio, ne donnera aucune suite. La période des années 60 et 70 étant plus productive en matière de films de loup-garou, c'est dans les années 80 que le mythe retrouve une seconde jeunesse avec Hurlement de Joe Dante et Le Loup-garou de Londres de John Landis, suivi par La Compagnie des loups de Neil Jordan. L'une des caractéristiques du film de loup-garou est de présenter des scènes de transformation qui vont devenir de plus en plus spectaculaires, au fur et à mesure de l'évolution des effets spéciaux. Au départ, les effets spéciaux sont basés sur des fondus enchaînés qui, peu à peu, exposent le maquillage du monstre tel qu'il est montré dans les films de la Universal et de la Hammer. Dans les années 80, avec Hurlement et Le Loup-garou de Londres, les effets spéciaux mécaniques de Rob Bottin et Eric Baker font évoluer le spectacle et la transformation en montrant en temps réel une métamorphose plus réaliste et effrayante et participe à la renaissance du mythe. Avec Wolfman, sorti en 2010, remake de The Wolfman, sorti en 1941, le traitement de la transformation se fait par l'intermédiaire des effets spéciaux numériques. Autre figure et archétype de ce style de cinéma, et dernière figure et archétype pour la chronique d'aujourd'hui, est le savant fou. Le savant fou est une figure indissociable du fantastique. Il prend son origine dans la sorcellerie et le personnage de l'alchimiste du Moyen-Âge et renvoie au mythe prométhéen du golem et de l'apprenti sorcier et au thème du blasphème. Il est commun aussi au genre de la science-fiction et d'horreur. Ces deux modèles littéraires sont le Dr Frankenstein, créé par Mary Shelley en 1818, qui tente de faire revivre un être constitué de cadavres humains, et le Dr Jekyll, créé en 1886 par Robert Louis Stevenson, qui, s'interrogeant sur la dualité entre le bien et le mal, expérimente sur lui-même une potion qui sépare ces deux personnalités. Il apparaît au cinéma en 1918 dans Mandragore de Michael Curtiz et deux ans plus tard dans Le cabinet du docteur Calgary de Robert Vineux. Le film qui fait du savant fou un archétype du cinéma fantastique est L'île du docteur Moreau, notamment pour la prestation de Charles Laughton qui marque la filmographie du personnage. Autre représentation classique du savant fou, L'homme invisible, tiré aussi d'un roman de H.G. Wells qui apparaît dans la première adaptation à l'écran dans le film de James Whale intitulé simplement L'homme invisible, sorti en 1963. Après la Seconde Guerre mondiale, la figure du savant fou, évolue. Évolution liée au bouleversement de la guerre, l'invention de la bombe atomique et le progrès scientifique et technologique. C'est moins le savant que la science en elle-même qui devient incontrôlable et génère les catastrophes. Dans Le Monstre de Val Guest, le professeur Quatermass est involontairement responsable du danger extraterrestre qui menace Londres, provenant d'un vaisseau qu'il avait envoyé dans l'espace. Dans La Chose d'un autre monde, sorti en 1951, le professeur Carrington prend la défense de l'extraterrestre qui menace pourtant le groupe d'explorateurs. Dans Les yeux sans visage, Georges Franju revient à une forme plus traditionnelle du savant fou en racontant l'histoire d'un chirurgien qui, par amour pour sa fille défigurée par une maladie, tente de lui greffer un nouveau visage provenant de jeunes filles qu'il fait enlever et assassiner. Dans les années 70, Vincent Price, acteur récurrent dans cet emploi, incarne une version gothique du savant fou dans L'abominable Dr. Fibes